Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui, je discute avec Célie, aka Electric, une de mes amies d'école d'ingénieur qui met en scène ses fails et mes aventures en billets d'humeur sur Facebook. Ensemble, on discute de son Erasmus en Pologne, de l'occasionnelle solitude à faire un solo trip et de ses fameux fails mis en scène sur Facebook sous le hashtag Les Malheurs de Célie. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's Talk Venture with Célie. Alors là, Spike, interdit de passer là. Alors, je t'appelle Electric ou je t'appelle Célie? Je sais pas en fait. Je sais pas encore. On va t'appeler Electric. Ça va pour ne pas me perturber. Tu peux m'appeler Awa. D'accord. Salut Electric. Salut Awa. Ça va? Bah oui, toi? Oui. On se connaît? Non. Ouais, un peu. Comment on se connaît? De l'école d'ingé, qu'on a fait ensemble à Belfort. Et à Montbéliard aussi. Et à Montbéliard, surtout à Montbéliard, on avait cours ensemble à Montbéliard en fait. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Célie, ou Electric, et j'imagine que tout le monde bug à cette question. Je suis en fin d'études, j'ai repris des études, j'ai fait un autre parcours un peu... diversifié en passant par du design de produits, une école d'ingénieur mécanique, un service civique en accompagnement de projets à impact social, et puis une école de commerce que je suis en train de terminer là, et j'aurai un M2 en communication et change management. Voilà. Et je suis en alternance chez Schneider Electric. Pour la blague, du coup, son nom de famille est Schneider. Il se retrouve à Schneider Electric. Ce n'est pas sa famille qui a fondé Schneider Electric, mais ça reste toujours une très bonne blague à chaque fois qu'on... la première fois qu'elle nous a annoncé qu'elle allait travailler à Schneider Electric. Alors voilà. Même là-bas, même sur place, tout le monde me fait la blague. Hein. Pourtant, il y a plein de Schneider. Hein. C'est vrai? Ouais, il y en a un qui travaille juste à côté de moi, qui habite, non, son bureau est juste à côté du mien. Ah mais il y en a plein des Schneider du coup, y a plein dans, de la Schneider, boîte dans la boîte de Schneider Electric. Alors que, ouais... Enfin bon. voilà. Est-ce que tu sais pourquoi j'avais beaucoup envie de t'interviewer? Parce que je pense que je donne l'impression de beaucoup bouger. Parce que je raconte beaucoup des conneries qui m'arrivent quand je voyage ou quand je bouge, quoi, même en France. Surtout la deuxième version. Voilà. Alors... Excusez-nous, il y a un petit chien un peu foufou qui nous saute dessus. Spikey. C'est surtout par rapport à tes fails. Oui, oui, oui, bah oui, mes fails, mes gros fails, j'en ai pas mal. Est-ce qu'ils sont en public sur Facebook ou pas? Non, ils sont pas publics. Oh, par contre, je réfléchis, il y aura peut-être un e-book un jour. Oh. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, si jamais un jour ça sortira, je mettrai la nouvelle sur les réseaux sociaux, même si mes réseaux sociaux sont en privé aussi. Mais le fameux hashtag... Les malheurs de Célie. Les malheurs de Célie. Voilà. Si vous connaissez Célie et que vous la suivez sur Facebook, ses histoires sont juste magnifiques. Est-ce que tu peux du coup me décrire le principe de ces hashtags, les malheurs de Célie? Oui, bah oui. C'est que souvent quand il t'arrive un truc trop gros pour que tu le processes dans ta tête et que tu dois le gérer, etc. Bah en fait, bah, tu gères la situation, mais après coup, pour dédramatiser, et ben moi j'essaye d'en parler. Parce que ça me permet, moi, de dédramatiser, justement. Et puis aussi, ça permet de créer quelque chose de positif, de quelque chose de très, à partir de quelque chose de très négatif. Parce que les gens, ils adorent lire les galères des gens. Et du coup, tout le monde rigole et tout le monde s'amuse. Et voilà, enfin, ça devient un divertissement, quoi. Donc, je transforme mes malheurs en divertissement. Et ouais, bah, après aussi... Enfin, ce que je dis tout le temps, c'est que... Il m'arrive beaucoup de merde, mais déjà, c'est parce qu'on a l'impression qu'il m'en arrive beaucoup parce que je les raconte, alors que les gens, en général, ils les racontent pas de façon aussi systématique que moi. C'est vrai. Et ce que je dis tout le temps aussi, c'est que c'est une histoire de proportion. Quand tu voyages beaucoup, enfin, quand tu bouges beaucoup, parce que je voyage pas, enfin, je fais pas que voyager, je considère que je bouge tout le temps, mais je voyage pas forcément tout le temps. Ouais. Je voyage énormément en France, en fait, je prends le train souvent, ou alors j'allais tout le temps en covoite par là... voir des potes. La SNCF fait beaucoup, beaucoup mise en avant. Au final, les thématiques. Non, mais tu vois, en plus, je ne critique pas la SNCF parce que franchement, ils font un boulot ouf. Ah, c'est clair. Faut leur reconnaître. Et pour gérer autant de monde et avoir les problèmes qu'ils ont. Parce que franchement, ça aurait pu être très très. Ça peut être catastrophique, tu vois. Et franchement, Ouais. ils gèrent. Et c'est juste qu'il y a des fois des fails. Voilà. Et ces fails sont racontés dans tes histoires. C'est ça, exactement. Mais du coup, voilà, c'est une histoire de proportion. C'est que comme, enfin, sur le nombre de trajets en train que je fais dans l'année, forcément qu'il y en a deux ou trois qui vont être absolument catastrophiques. Parce que quand t'en fais 25, voilà, enfin, genre, c'est qu'une histoire de proportion. Forcément, on a l'impression qu'il m'arrive tous les malheurs du monde, alors que pas du tout. Et je vais très bien. Et je les vis très bien, d'ailleurs. Mais du coup, je trouve d'ailleurs que la SNCF, ils se sont vachement arrangés dans la gestion des retards. Et franchement, les derniers trains où il y a eu des problèmes dans lesquels j'étais, quoi, j'ai toujours été très bien informée en temps réel et très bien accompagnée après. En 2018, j'ai quand même eu droit à deux nuits d'hôtel grâce à la SNCF, hein, C'est pas mal. parce que bah, je loupais ma correspondance et Ouais. que j'avais loupé le dernier train pour finir mon trajet. Et à chaque fois, bah, j'ai été prise en charge C'est bah, stylé. d'un bout à l'autre avec place en première classe le lendemain si c'était disponible, etc. Enfin, franchement, ils font vraiment beaucoup d'efforts. Moi j'ai eu un fail aujourd'hui, la SNCF. Mais C'est c'est ma vrai? faute. Ah. Je sais pas si c'était, ça s'entend dans. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est le jouet du chien, il arrête pas de le faire tomber, je vais lui en donner un autre qui fait moins de bruit. Là là. Je sais pas si t'as entendu dans mes interviews, il y a toujours un espèce de bruit métallique qui fait cric cric. Oui. C'est ma Oui. gourde, qui Ah, sait? j'en étais sûre. Et je l'ai oublié dans le train. Oh non! C'est. Oh non! Voilà, du coup, faut que je me motive. J'ai essayé de les appeler tout à l'heure, mais Ouais. le train est arrivé entre-temps. Enfin, le RER est arrivé, du coup, Ah oui. je les appellerai plus tard dans la journée pour. Après, t'as pas besoin de les appeler, il faut faire une déclaration de perte en ligne, c'est plus rapide. De toute façon, ça sert à rien de les appeler. Enfin, tu peux la Ah! faire au téléphone en fait, mais tu vas attendre plus longtemps, etc. Ça sent le vécu. Ouais. J'ai eu deux trucs récents, parce que c'était en avril, je me suis fait voler mon sac Ah oui! dans mon train en Oui! revenant d'un séjour à Barcelone, que j'avais été avec les cours en plus, donc c'était même pas un voyage pour m'amuser, quoi. Enfin, mais c'était quand même très cool d'être à Barcelone, je me plains pas, j'étais très contente d'être là-bas. Mais sur le chemin du retour, bah, quelqu'un a volé mon sac. Ça fout quand même le seum. Ça, c'est Ça fout beaucoup le le seum, seum. ouais. Il n'y avait rien de valeur dedans, mais bon, il y avait tout mon linge sale. Alors j'ai perdu beaucoup de vêtements, et eux, ils n'ont rien gagné. Et encore plus Si, récemment, si, j'ai oublié ma liseuse dans mon ils ont quand train. même gagné tes petites Ouais, culottes. ils ont gagné mes petites culottes sales. J'espère qu'ils les ont vendues, qu'ils se sont fait de la thune au moins, parce que... Des petites culottes. Et là, du coup, On y a quoi? Il sait qu'elles ont un y a un côté mois, j'ai dit... électrifiant. Hein. Oh. Allez, on est parti, l'humour est là. Ouais. J'ai oublié ma liseuse, du coup, il y a moins d'un mois dans le train. Et alors du coup, est-ce Aussi. que ça on réussit à les retrouver en général dans ces cas-là ou pas? Bah, pas si on te les vole, en fait. Moi, dans le Et cas de mon sac, il était plus là. ouais. Et enfin, il a été volé à un des arrêts du trajet. Donc voilà, enfin, ils n'ont rien pu faire. Et j'ai eu beau décrire mon sac dans tous les détails possibles. Et pour la liseuse, bah, c'est pareil. Je pense qu'elle a dû tomber, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas vue au moment de partir. Et ils l'ont jamais trouvée. D'accord. Et donc, ouais. Enfin, faut pas. Après, faut pousser un peu, parce Ouais. que l'autre fois, pour la liseuse, je voulais savoir si par hasard il pouvait pas être mal catégorisé dans les tablettes ou des trucs comme ça. Et impossible d'avoir quelqu'un. J'ai mis super longtemps avant d'avoir quelqu'un, mais j'ai fini par trouver quelqu'un qui était super gentil, qui a appelé en direct les objets trouvés de la destination Ouais. finale de mon train. Et bref, elle y était pas, donc. D'accord, ok. Voilà, je pense qu'il faut tomber sur quelqu'un de gentil ou sur un personnel de la SNCF qui est aussi pas frauduleux, quoi. Compétent. Ouais, et qui va pas garder l'objet, quoi. Ouais. Non mais une gourde. Ah oui, non, une gourde, non, je suis d'accord. Ah, une gourde. Voilà. Ouais. Tu peux m'en citer quelques-unes du coup de tes malheurs de CDI? Parce que c'est toujours Ouais. drôle. Parmi les. Bah, en fait, ce qui est marrant souvent dans les postes, c'est que je les travaille. Enfin, c'est de les lire parce Ouais. que je les rédige. Enfin, je passe beaucoup de temps à Je les pense rédiger, en fait. on va essayer d'en lire à la fin, Ouais, mais d'accord, à la fin. Ouais. ça va être trop. Je t'en fous de ma pensée. Ah, bah oui, bah, un peu évident qui Ouais. était assez chiant et qui avait pour le coup un rapport avec un voyage à l'étranger. J'ai fait un Erasmus en Pologne Oui, de 6 mois. ça faut qu'on en parle. Ouais, on va en parler alors. Et il se trouve que bah, j'ai un chien depuis, ça fait bah, 2 ans et demi là, Ouais. Et il voyage tout le temps avec moi. Je le fais garder très très rarement. Et puis de toute façon, enfin, j'ai un chien, donc il vient, quoi. Et bah, l'Erasmus, 6 mois, bah oui, il est venu avec moi. Donc on a pris l'avion ensemble. J'ai trouvé un billet d'avion qui acceptait les petits chiens en cabine. Donc il est venu en cabine avec moi. Et quand je suis arrivée, du coup, et ben ma valise n'était pas arrivée, ma valise en soute, qui contenait toutes les affaires dont j'avais besoin pour les 6 mois. Donc heureusement j'avais une buddy de l'école dans laquelle avec laquelle je faisais enfin dans laquelle j'allais pour aller en cours. Et donc elle est venue me récupérer à l'aéroport et elle devait m'accompagner jusqu'à mon appartement pour m'aider bah, justement avec le chien, les bagages et tout ça. Bon, j'avais moins de bagages que prévu du coup. Et quand on est allé à mon appartement, celui que j'avais pré-réservé, donc j'avais déjà payé le comment on dit le Premier mois, non la pas le premier caution. mois, la caution, voilà, Ouais. pour le réserver. Et quand je suis arrivée, alors, je savais pas du trop à quoi m'attendre, les photos, ça avait l'air plutôt propre et tout ça. Mais quand je suis arrivée, en fait, c'était une espèce de bar HLM dans un coin de Varsovie. Un bar? Non, une barre d'immeuble. Une barre d'immeuble, genre, c'est une espèce de. Ben, un HLM, quoi. Ah, c'est un immeuble en longueur en fait, Ouais. qui ouais, un HLM. Ouais, D'accord. voilà, un truc avec plein de logements. OK. Et du coup, bon, bah, c'est pas grave, le reste du quartier avait l'air très cool, c'était le vieux quartier de Varsovie. Et donc on rentre dans le truc, j'appelle le gars qui devait me donner le contrat, etc. On entre déjà à l'ascenseur, il n'y avait pas de porte. Alors T'avais on sens rentre dans mais l'ascenseur et quand l'ascenseur il montait, il n'y avait pas de porte, tu voyais le mur qui défilait devant toi. Et c'était au 6e étage. Donc là je commençais à me dire, ouais bon, je veux bien que... Enfin voilà, c'est quand même un peu cliché de la Pologne de se dire qu'il y a si peu de confort quand même. Enfin, en plus j'avais pris un truc dans des tarifs de la ville, quoi. Donc c'était D'accord. pas... Et du coup j'arrive dans l'appart et il était super sombre, très boisé. Enfin il y avait plein de trucs en bois foncé partout, au plafond, etc. Ouais. Et il y a 3 mecs d'une trentaine d'années qui me disent bonjour en polonais, qui étaient du coup mes colocs. Ça sonne. Je suis désolé de dire ça parce que ça me vient tout de suite en tête, mais on dirait le pitch d'un film porno, clairement. Ouais, c'était... Bah, sur le moment, j'étais quand même un peu flippée, tu vois, parce que je me dis, ouais, enfin, ça me dérange pas de vivre avec des gens, ça me dérange pas de vivre avec des hommes, mais là, moi, d'être la seule Française étrangère avec 3 personnes dont on parle... Enfin, je parle pas le polonais du tout, etc., bon, c'était pas très rassurant. Et on Ah. arrive dans la chambre, il y avait encore une dame qui était en train de nettoyer. Et alors là, mais c'était la catastrophe. Enfin, le sol, il y avait des traces. Le canapé, il était censé être blanc, bah, il était jaunâtre. Il y avait des traces de clopes partout. Les meubles, pareil, ils étaient jaunâtres. Tout était sale. Il y avait une terrasse, mais enfin, c'était tout. Oh. Et franchement, j'ai eu un haut-le-cœur. J'ai dit au gars, oh, je signe pas tout de suite, je dois faire un tour. Et il m'a dit, oh, vous pouvez laisser vos valises là. J'ai dit, non, non, je prends tout. Je suis sortie de là. J'étais en mode, je peux pas habiter là, je suis désolée, je sais pas quoi faire, mais je peux pas habiter là. Du coup, voilà, le premier jour, j'avais plus d'appartement et j'avais pas ma valise. Mais j'avais mon chien. Et j'étais là-bas pour 6 mois, voilà. Oh, heureusement, enfin, j'avais prévu de la marche, tu vois, j'étais une semaine avant le début des cours et tout, C'est mais. une très, ça va être une blague très très vulgaire, mais on dirait le pitch de la vie des SDF. J'avais plus de logement, j'avais plus ma valise, mais j'avais mon chien. Ouais, c'est... Heureusement, elle m'a hébergée, du coup. Et elle m'a aidée à trouver un appart en urgence, quoi. Et donc, bref, voilà. Ma Il valise a était été bien livrée le ou lendemain. De quoi? il était mieux? Ah, mon appart, après, il était super cool. Ah. C'était une coloc que de 2 personnes. Donc ça D'accord. aussi, c'est toujours plus simple. C'était avec un Français. Voilà, au moins, pas de problème de communication. On reste toujours en groupe. On va se souder. Non, bah au final, on n'a pas non plus une relation de ouf entre colocs Ah, ou ok. quoi, mais on n'avait pas du tout le même rythme, donc on s'est jamais trucs ensemble. Mais l'appart était parfait, il était propre, il était beau, il y avait du plancher au sol, il y avait un mini balcon, du coup, il y avait une grande baie vitrée que je pouvais laisser ouverte. Mais il fait pas froid en Pologne? Si, il faisait froid, bon, j'ai. Ah. Enfin, l'hiver, quoi! Mais après, en été, au printemps, je pouvais laisser ouvert. Et du coup, l'appart était super cool, les meubles étaient confortables, tout ça, enfin bref. Par contre, je l'ai payé beaucoup plus cher. Et il était beaucoup plus cher que l'autre appart, et il avait... Enfin, je payais l'équivalent de 400 euros, ce qui, pour Varsovie, est beaucoup, quoi. D'accord. C'était un peu un appart de luxe pour là-bas. Moi, je pouvais me le permettre, parce que j'avais ma bourse française, etc., mais Ouais. enfin... Ah, il vient de me taper sur les couilles. Spike! Mais non! l'impression. Tu croques la prochaine fois, non? Oh non. Spike. Ah, j'ai d'avoir un mal. Voilà, bon, je quitterai cette partie-là. J'ai l'impression de revivre ma recherche d'appart à Shanghai. Ah ouais? Oh, en fait, déjà, la première fois, c'était compliqué, tu vois. On essayait de chercher un appart à 6 avec tous les gens du TB. Oui. On a trouvé un, c'était ouf. C'était un truc immense. Au départ, tu vois, ils nous avaient proposé des trucs en comprenant pas trop, en disant « Oh, ben on va vous proposer des apparts, un appart avec 3 chambres et un deuxième appart avec 3 chambres et vous serez copains et après vous irez d'un appart à l'autre. » Mais non, on veut un big appart. On veut la grosse baraque. Et ils nous ont fini par trouver un truc un peu plus loin, tu vois, où... Ça nous faisait un petit trajet de 12 minutes en vélo, mais c'était largement faisable. Mais le truc était immense, tu vois, avec un salon qui faisait 2 pièces, tu vois, c'était fou. Enfin, ouais, voilà, cet appart était fou, tu vois, et on a trop kiffé, même si on y a foutu un bordel monstre. Est-ce que ça m'étonne? On était 6 en même temps. Ouais. Mais ouais, c'était trop cool. Et du coup, le deuxième semestre que j'avais fait à Shanghai, j'avais voulu tenter l'aventure de vivre en coloc avec des Chinois. Ouais. Et du coup, ma recherche a été très compliquée parce que vraiment, tu vois... essayer de leur faire comprendre que je voulais vivre l'aventure avec des Chinois, mais en même temps que je voulais essayer de vivre avec des Chinois propres. Il y a eu une... comment on dit, une incohérence. Une impossibilité. Et c'était les trucs qui m'avaient fait proposer, mais c'était dégueulasse. C'est vrai. Oh, c'était... Oh non. C'est, tu vois, je rentrais dans le truc, je faisais... Mais non, non, les gars, il y a de la crasse partout, il y a encore des chaussures par là, et il y a des... Non, c'est pas possible. Et non, il m'a... Je crois que j'avais rendu dingue le mec, en plus, qui me faisait visiter, parce qu'il m'a fait visiter 8 apparts en une journée. Non, peut-être pas en une journée, en 2 jours, tu vois. Et l'histoire trop drôle, tu vois, c'est que... au bout du 8e appart, tu vois, ça sentait qu'il était un peu désespéré, tu vois, donc il m'a fait revenir à l'agence immobilière. Je le voyais discuter avec des collègues et tout, et là il me dit ah, vas-y, viens, on retourne voir un appart. Et sauf qu'en fait, j'étais plus qu'avec lui, j'allais avec lui et un de ses collègues. Ouais. Donc on va en voiture, il discute et tout, et il me dit donc avec ses termes, tu vas rester avec lui. Et du coup, moi, de ce que j'avais compris, c'était du coup, ce petit mec, tu vois, qui m'avait fait faire des tours d'appart, qu'il avait une réunion importante et tout, qui du coup, il me laissait avec son autre collègue qui prenait la main et tout. Et on y va ensemble, on va tous les trois à l'appart et tout. Il me montre un appart trop cool, ouais. Trop beau et tout, hyper propre, super nickel, avec une chambre hyper bien dans le prix que j'avais besoin, que je pouvais plutôt. Et là, il me fait comprendre, voilà, c'est ici, toi avec moi ici. Et en fait, il m'a mis en coloc avec un de ses collègues de l'agence immobilière. Du coup, c'était lui, sa femme, son frère et son bébé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, t'étais avec une famille, quoi. C'est ça, mais qui est de l'agence immobilière. Ah ouais. Donc c'était marrant, c'était cocasse, mais au final, c'est l'expérience de vivre avec des Chinois qui ne sont pas assez ouverts d'esprit parce qu'ils ne connaissent que la Chine, c'est pas terrible au final. Ouais, ça doit pas être si simple. Ouais, et ils parlent pas anglais. Ah ouais. Ouais, c'est complexe. T'as fait travailler ton chinois? Ben non, parce qu'au final je parlais pratiquement jamais avec eux. Tu vois, j'avais envie d'être ouvert d'esprit et tout, j'avais envie de communiquer avec eux, mais tous mes efforts se concluaient par un échec avec eux qui disaient « Non, on comprend pas ce que tu dis. » Ah oui, d'accord, voilà. Ouais. Donc, c'est un peu limite, du coup. Enfin, voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait en Pologne? Qu'est-ce que j'ai fait en Pologne? À part ton stage. En fait, du coup, tu es allé pour un stage. Un Erasmus. Un Erasmus. Un semestre d'Erasmus, donc j'étais en cours là-bas. Toujours drôle les Erasmus. Toujours des histoires drôles. Ben, je sais pas, je trouve pas qu'il y en ait. Enfin. J'ai pas tant d'histoires drôles à raconter. Okay. Parce que. En fait, à la base, moi, j'avais pas particulièrement envie de faire un Erasmus. Parce que c'est pas quelque chose dont j'avais l'impression d'avoir besoin pour découvrir la vie. Enfin, j'avais déjà pas mal voyagé avant. Et je savais que ça allait pas forcément être une expérience, genre, transcendante et. Pour moi. Mais après aussi, parce que. Enfin, je savais que j'allais rester en Europe si j'en faisais un. Bref, et du coup, pour mon école, c'était le passage obligatoire. Donc, on avait la liste des universités partenaires. Franchement, il y en avait des très belles, il y en avait partout dans le monde. Et en fait, bon, bah, déjà, moi, je voulais rester en Europe, parce que comme j'allais voyager avec le chien, c'est quand même bien plus simple. En plus, il y a certains pays où il y a des quarantaines, etc., quand tu emmènes un animal sur le territoire et tout. Donc, bon, bref, voilà. Il n'est pas très vaillant, alors on sait, je me suis dit, il faut un pays en Europe, pas trop loin. Et même à la base, je voulais pas forcément y aller en avion, je voulais y aller avec ma voiture, ma fameuse grenouille. Mais bon, ça ne s'est pas fait pour des raisons évidentes de sécurité. Est-ce que juste on peut faire une parenthèse grenouille? Oui, bien sûr. Tu peux raconter l'histoire de la grenouille? L'histoire de la grenouille. Ok, petite parenthèse grenouille. Du coup, c'est une 106 que j'ai achetée 3 semaines après avoir eu mon permis. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une 106, c'est une Peugeot 106. Une Peugeot 106, ouais. Une 106 Kid de 1996. Ouais. Quand j'ai acheté, elle avait 130 000 km, ce qui n'est pas énorme. Et elle était que d'une seule couleur. Elle était toute verte, voilà. Et durant mon quatrième mois, je pense, en sa possession, j'étais à l'UTBM, donc là où je t'ai rencontré toi. Et un matin, un petit accident. Bon, c'était vraiment un petit accident parce que ça s'est passé au ralenti et que c'était pas grave du tout. Mais en gros, c'était en Franche-Comté. En Franche-Comté, en automne, c'est humide le temps. Et quand tu rentres dans ta voiture, au début, il n'y a pas de buée. Et puis après, il y a de la buée qui se forme sur ton pare-brise après coup, une fois que tu as démarré. Et bref. Et donc, je devais tourner un virage, quoi. Je devais traverser une rue en tournant à gauche. Et il y avait un feu juste après le virage. J'ai vu le feu à travers la buée. Mais en fait, j'avais pas vu le camion qui était déjà arrêté. Et du coup, je l'ai vu, j'ai freiné, mais j'étais déjà rentrée dedans. Donc en fait, je suis même pas rentrée dans le camion, c'est juste la boule de remorquage du camion, enfin, qui est rentrée dans mon capot. Et voilà, c'était un matin où j'avais décidé que j'allais pas être en retard, et au final, c'était un peu loupé. Et après, s'en est suivi un mois de dure réparation avec Jérémy. À l'époque, c'était lui qui m'avait fait tous les travaux. Parce que moi, j'avais pas l'argent pour la réparer en garage. Oh. On avait acheté toutes les pièces sur le bon coin. J'étais même allée avec Hugo. Oui. On avait été dans une casse, acheter mon capot, justement. Ouais. Je demandais à tout le monde de m'emmener partout pour récupérer des pièces, machin, c'était n'importe quoi. Et j'ai trouvé un capot bleu. Et à partir de ce jour, j'ai eu pendant 3 ans, du coup, une voiture bicolore. Donc, verte avec un capot bleu. C'était la grenouille. Et c'était déjà la grenouille à l'époque. C'était déjà la grenouille. Coup, c'était la grenouille avec un bleu. Un bleu, oui. Enfin, grenouille qui a été un des sujets principaux de mes malheurs de Céline. Est-ce que c'est pas avec, du coup, la grenouille que ça a commencé, ce hashtag, ou pas? Je sais plus le tout premier. Je les ai recensés récemment, parce que du coup, je me suis dit, enfin, c'est dommage, je les ai laissés uniquement sur mon feed, donc je les ai gardés, je voulais en garder une trace. Et le premier, ouais, il date de 2014, c'était mon arrivée à l'UTBM. Mais je pense, ouais. Ouais, ça devait être... C'était avec la grenouille, possible, du coup, tout a commencé. Après, le hashtag n'existait pas au début. Ouais. Mais c'est arrivé après, parce que c'est devenu un peu un running gag que j'ai des aventures, des mésaventures, en tout cas. Ok. Ouais. Okay. Bref, on a été à la base, je voulais partir en Pologne en voiture. Avec la grenouille. Mais du coup, pourquoi la Pologne, même en Europe? Je voulais d'abord aller dans un pays que je pouvais, qui était financièrement accessible pour moi. Ouais. Et puis aussi, j'avais envie d'aller dans un pays qui justement était pas si commun, tu vois. Et c'est une des premières questions que les gens ils me posent quand je dis que j'ai été en Pologne. Ils disent mais pourquoi la Pologne? Comme si j'avais pas eu le choix d'y aller en fait. Alors, et c'est vrai que j'avais un choix d'université fantastique. J'aurais pu aller en Australie, aux États-Unis, en Angleterre. Trop surcoté, oui, bien sûr. Beaucoup trop surcoté. Trop surcoté, mais il y avait quand même des très très bonnes universités. Mais moi, j'avais dit, je veux rester en Europe. J'ai demandé à mon école quelle était la meilleure école en Europe parmi leurs partenariats. Ils m'ont dit, celle de Pologne, elle est très bien. Et je me suis dit, ah ouais, la Pologne, c'est vrai que c'est un pays qui m'intéresse, qui n'est pas courant. Enfin, les gens, ils vont rarement en Pologne pour le... Enfin, en voyage, quoi. En vrai, si tu veux du dépaysement, la Pologne, c'est plutôt... Bah, c'est super cool. Et puis après, c'est un pays aussi qui a une histoire très forte. Et je pensais que c'était très important aussi, culturellement, d'aller voir par moi-même, enfin, d'y être, de comprendre un peu mieux. Enfin, c'est quand même un des pays qui a le plus souffert de toute l'Europe. Donc... Qu'est-ce qui s'est passé, là-bas ? Bah, c'est là où il y a le camp d'Auschwitz. Oh ! Ouais, c'est là où il y a eu les camps de concentration les plus importants de toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas rien. C'est là où il y a eu le plus de juifs tués, je pense, en Europe. Enfin, je veux pas m'avancer parce que je connais pas les chiffres exacts. Oui. Mais du coup, il y a les camps de concentration d'Auschwitz, Birkenau et l'autre. Schneider, ça n'a pas une connotation allemande ? Si, bah, moi, ma famille, elle vient de Lorraine. Je pense que j'ai un arrière-arrière-arrière-grand-père qui a dû battre pour l'Allemagne, mais je sais plus dans quel contexte. Mais qui n'était pas forcément un soldat SS. Ah non, non, non. Non, je pense pas que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Bref. Ouais. Et du coup, voilà. Donc j'ai choisi d'aller en Pologne. Et c'était super cool. Enfin, je pense que c'était pas le voyage Erasmus que les gens s'imaginent vivre. Ouais. Tu vois. Ouais. Enfin, je suis quand même beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête parce que ça coûte pas cher là-bas. Tu peux sortir sans compter combien tu vas dépenser parce que entre l'entrée de boîte, les boissons dans le bar avant, les boissons dans la boîte, le Uber pour rentrer, enfin tu peux dépenser 20 balles quoi. Pour une soirée. Tes fameuses stories avec de la techno polonaise. Oh là là, oui. Tellement... comment ça s'appelle ? Oh. Technopolo ? Non. Technopolo ? Non ! Il y a un nom ! Technopopole. Non, le... Discopolo. Discopolo ! Discopolo, c'est la disco polonaise. Oh, bref, ouais, j'avais un bar, une espèce de bar-boîte gratuit où je me retrouvais quasiment tous les soirs de la semaine qui était connu pour ça. Ah, c'était très drôle. C'était le nouveau foyer, en gros. Ouais, toi. C'était mon nouveau foyer, ouais. Ouais. Mais du coup, j'ai pas fait tant de rencontres que ça. D'accord. Je suis restée avec deux Français, pas parce que je voulais pas rencontrer d'autres gens, mais parce qu'il y en a un qui venait de mon école, donc on se connaissait, donc on traînait ensemble quoi, pour les cours et tout ça, parce que c'est plus simple quand t'écoutes un cours en anglais, t'as pas trop l'habitude, tu dis « Oh, t'as bien compris la même chose que moi », etc. Enfin, bon. Et en fait, après, dans mes cours, ils étaient très... c'est des cours à la carte, donc j'avais pas une classe... J'avais plein de classes dans chaque cours, j'avais une classe différente et du coup j'ai jamais rencontré les gens. C'est comme à l'UTBM en gros. Comme à l'UTBM, ouais. Un peu le même principe, sauf que du coup j'avais encore moins de cours puisque j'avais quand même pas énormément d'heures de cours. Ouais. Du coup très compliqué de rencontrer des gens. Du coup tu voulais pas faire de l'ASSO ? Non, j'ai été aux premières soirées de l'ESN, mais en fait moi ce qui m'a pas plu c'était les autres Français. En fait il y avait un énorme autre groupe de Français, je pense qu'on était 40. Ah ouais. De mon année à être en Erasmus dans cette école, 40 Français sur les 70 Erasmus, c'était quelque chose comme ça. Et c'était tous des très gros groupes, genre ils étaient 15 à venir de telle école, 10 de l'autre école et tout ça. Et le courant n'est pas très bien passé. J'ai fait les premiers événements de l'ESN et en fait c'était pas... Je sais pas, il y avait une vibe qui passait pas. On n'aimait pas les boîtes, avec du coup mes deux autres potes français. On n'était pas du tout dans la même ambiance et les boîtes qu'on appréciait ou les endroits où on aimait sortir, c'était pas les mêmes. Donc on a arrêté de sortir avec eux. Et au final, j'ai les personnes que je rencontrais, c'était par exemple genre des gens de Tinder, quoi. Je crois que c'est mes seules rencontres que j'ai faites là-bas, parce que hors l'école, j'ai pas trop fait les démarches pour faire un sport, j'en sais rien. Du coup, ouais. Bref. Du coup, j'ai eu des grands moments de solitude aussi. Ouais. Pendant que j'étais là-bas. Ça, c'est dur, ça. C'est dur parce que t'as pas beaucoup de cours. Ouais. Tu sais qu'en plus, ils n'ont pas énormément d'impact parce que, quand tu vas pas, t'as pas de répercussions. Donc, d'avoir peu de cours et de même pas avoir l'obligation d'y aller, ça faisait que j'y allais encore moins. Ouais. Et je m'entendais très bien avec mes deux potes, mais on n'était pas super copains non plus, quoi. On sortait ensemble de temps en temps, mais c'était un peu genre des rencontres de... enfin des copains de circonstance en fait, j'appelle ça comme ça, tu vois, c'est tes copains ensemble parce que t'es dans ce contexte-là et tu t'entends bien, mais on est rentré, on s'est plus jamais parlé, quoi. Tu sais que moi ça me fait pareil, le deuxième semestre que j'ai passé en Chine, c'est, tu vois, le premier semestre c'était la folie, tu vois, on était un gros groupe à vivre plein d'aventures, tu vois, la chinoise et tout, et du coup le deuxième semestre, moi j'avais déjà vécu d'avoir déjà passé 6 mois en Chine, et je me retrouve avec des petits jeunes, tu vois, qui déjà... faut dire un truc, c'est, j'ai redoublé quelques classes, tu vois, ce qui fait que j'avais quand même déjà un petit gap générationnel avec ces jeunes qui arrivaient, qui arrivaient et qui étaient déjà 3 ans de moins que moi, mais juste 3 ans, tu vois, t'as une petite différence entre les références culturelles, d'internet, des trucs genre, de la pop culture. Ouais, c'est déjà quand même pas mal. Et eux, en fait, ils étaient vraiment dans l'euphorie de découvrir la Chine et tout, et moi j'étais à cheval. Ah, ça c'est cool ça. Oh, ça me surprend plus trop. Ouais. Et en même temps, tu vois, le fait de me retrouver dans un appart avec une famille chinoise avec qui je peux pas communiquer. Et eux, ils étaient tous, tous en coloc et ils étaient presque tous voisins. Et du coup, ils faisaient tout le temps des sorties en groupe. Et du coup, ça a créé ces fameux gros groupes, en fait, à différents endroits où tu as du mal, en fait, à te fitter dans un groupe en particulier. Et du coup, tu vagabondes entre chaque groupe. Et en même temps, tu vas faire tes propres aventures en solo. Et c'était, ça allait au début parce qu'en fait je sortais avec une fille du semestre précédent qui était en stage à Shenzhen, et au milieu du semestre en fait on s'est séparés. Et là ça a été ça a été compliqué. Ça devait pas être simple. Et au final ça va, ça m'a fait du bien de partir faire des solo trips, rencontrer plein de monde différent, et ça allait mieux après un mois et demi, deux mois. Après la séparation, mais la période juste après la rupture, plus pas trop fité dans les différents groupes, c'était bien compliqué. C'est pas simple, mais c'était quand même cool. Je sais pas si toi il y a eu un moment où ça t'a marqué la solitude. Moi je me rappelle exactement le jour où je l'ai ressenti et où après ça m'a plus quitté. Toi c'était quand? C'était je crois que c'était le week-end juste avant ou juste après mon anniversaire. Et ma famille avait quand même fait un repas de famille parce qu'il y avait Pâques en même temps. Je suis née le 18 avril et donc souvent on fait Pâques et mon anniversaire. Et là du coup, ils ont fait Pâques et l'anniversaire de mon frère parce qu'il est né début mai. Donc en général, on fait les trois et on avait fait une sorte de FaceTime tous ensemble. Mais t'as un frère ? J'ai un petit frère, ouais. Il a 18 ans. Ok. Tout le monde était trop heureux, ils étaient trop heureux de me parler, j'étais trop heureuse de leur parler. Il y avait ma sœur qui était elle aussi chez elle toute seule à Toulouse. Et après on a raccroché. Et alors là, j'aurais dû être là-bas. Et du coup mon anniversaire il est passé à la trappe un peu. Enfin c'est pas grave, tu vois, tout le monde me l'a fêté. Mais du coup j'ai pas eu d'événement de famille, j'ai pas eu de trucs. De chaleur humaine, de vraies conversations. J'ai emmené mes potes du coup dans un restaurant, mais comme j'avais l'impression de les forcer vu que c'était en semaine, je me suis sentie obligée de leur offrir le restaurant pour mon anniversaire. Mais non. Non, c'est moi qui leur ai offert, je leur ai pas laissé le choix. Mais bref. Ah oui. Ils avaient pas forcément c'était moi, je leur avais dit, est-ce que vous voulez bien qu'on aille dans un restaurant pour mon anniversaire? Donc je choisissais là où je voulais qu'on aille, c'était un endroit pas très cher, donc j'ai payé, c'était pas non plus une somme énorme, quoi. Je préférais payer et que ils m'en veulent pas les avoir imposé. Je ne pense pas que je leur ai imposé, tu vois, mais c'était un truc dans ma tête. J'en aurais eu rien à foutre. J'aurais dit, moi je vous oblige pas, là, je vous propose juste un bon moment. Si vous vouliez pas venir, vous veniez pas. Moi c'était du coup ce jour-là, juste après l'appel avec ma famille, qui était quelque chose qui est censé faire du bien, et en fait c'est le truc qui m'a le plus miné, et à partir de là je me suis rendu compte de cette solitude, et ça a été super dur après de retrouver un rythme. Je me suis complètement décalée en termes de sommeil, j'arrivais plus à aller en cours, et en même temps du coup je passais mes journées à me faire chier, sauf que du coup quand t'as rien à faire, quand t'as pas de cours, quand t'as pas forcément de devoirs, etc., enfin... t'es chez toi, donc tu regardes des séries et tout. Enfin, moi j'allais sortir mon chien, je visitais les différents parcs de Varsovie, tu vois, mais enfin au final tu fais pas non plus grand chose parce que tu veux pas non plus dépenser de l'argent tous les jours, donc tu veux pas forcément sortir tous les jours, et je sais pas, du coup à partir de là ça a été compliqué. Après, j'ai fini par, ça a fini par remonter un peu et justement, j'ai voyagé toute seule aussi dans la Pologne. Mais ouais, enfin. Et du coup, ça s'est passé comment? Le jour où. Juste une petite Ouais? parenthèse, ça ressemble quand même à un début de dépression, là, ce que tu es en train de dire. À J'ai une des mini-dépression, tendances ouais. dépressives, mais j'étais pas dans le pire état que j'ai été. Donc pour D'accord, moi, c'était pas ok. grave. Moi, c'était à Taïwan. Ouais. J'y suis allé, du coup, il y avait la période de Noël où j'avais 2 semaines off. Et je m'étais dit, ouais, vas-y, je me fais un gros road trip à Taïwan et tout pour Ouais. explorer. C'est génial, j'adore Taïwan. Ouais. C'est un de mes pays favoris au monde, même si j'en ai pas visité beaucoup. J'avais pas bien calculé les dates dans ma tête. Et en fait, il y a eu un moment, tu vois, où je m'étais retrouvé dans un parc naturel qui s'appelait le parc de Naroko, qui est un endroit magnifique, en fait, Ouais. où tu as des espèces de gorges qui descendent d'un lac, en fait, qui font un espèce de torrent hyper puissant, en fait, qui sillonne entre les vallées et les montagnes. Ouais. C'est magnifique, c'est trop trop beau. Et en fait, une fois que j'avais fini ce premier jour là-bas, je reviens à mon auberge, et en fait, je regarde la date et je fais, ah putain, c'est Noël. Ah ouais. C'est la veille de Noël, et demain, c'est Noël. Et en fait, il y avait personne dans mon auberge, il n'y avait pas un chat. Il y avait personne à l'accueil, il y Ouais. avait personne dans les rues, il y avait personne dans les chambres. J'étais vraiment le seul dans une chambre de 8 personnes, tu vois. Et j'étais là à me dire, putain, c'est Noël et je suis là tout seul en fait dans un endroit magnifique, mais c'est bizarre en même temps. Ouais. Et là, la soirée a été longue. Vraiment, Ouais. je m'étais rendu compte, Oh là. c'était vers 21h, tu vois, où je m'étais rendu compte de ça et tout. Je m'étais dit, Et ça trotte oula! dans la tête Ouais, après. ouais. Et le jour d'après, tu vois, c'était pire parce Ouais. que. Enfin, la journée a été hyper bien parce que j'avais fait des randonnées, j'avais rencontré plein de gens un peu au hasard, tu vois, avec qui j'avais Ouais. discuté, c'était trop cool. On avait trouvé un spot avec des sources d'eau chaude et tout qui sortaient directement de la montagne et qui allaient dans le fleuve et tout. Mais le retour et le lendemain, vraiment, tu vois, vu que c'était le 25, il n'y avait personne qui faisait de rando. Ouais. Et j'étais là et tout, à me promener dans la montagne. Seul, c'était hyper chelou. C'était beau, c'était là. magnifique, Ouais. mais ouais, c'était compliqué cette soirée-là. Ouais, c'est pas simple. Moi, je pense que ça m'a fait prendre conscience que, genre, tu sais, on dit tout le temps, tu peux pas aimer quelqu'un avant de t'aimer toi-même et d'aimer être tout seul, etc. Mais je pense que c'est pas exactement ça, tu vois, parce que. Faut se supporter tout seul une majorité du temps, mais en fait, être tout seul, c'est aussi super dur. Enfin, et c'est tu as le droit d'être conscient de à quel point ça peut être dur, enfin, du niveau de difficulté que c'est de se rendre compte que tu es tout seul. Et genre, c'est pas une mauvaise chose de vouloir être avec quelqu'un en fait. Et genre, faut pas attendre d'être bien, d'être capable d'être totalement isolé du monde avant de vivre des trucs en fait. Et moi, franchement, ce voyage, ça m'a fait me rendre compte de ça. En fait, il faut juste être conscient de ses limites, mais pas forcément. Ouais. Faut pas chercher à tout prix à tout accepter non plus, surtout en termes de solitude, quoi. Oh là, c'était très joyeuse. Ah. Non, mais je pense que c'est un truc important quand tu fais des longs voyages. Comment tu gères ça? Et parce que même si tu fais des rencontres après, du coup, j'imagine que c'est pas pareil quand tu bouges beaucoup. Parce que nous, on était dans des contextes où on était à l'étranger, mais dans un contexte précis. Et enfin, moi aussi, ce que je voyais, bah, j'avais ma date de départ, mais elle était fin juin. Mes cours, ils se sont terminés beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Ils se sont terminés début mai. Et du coup, j'avais 2 mois entiers où j'avais plus rien. Je pouvais pas changer ma date d'avion parce que j'avais un pote qui venait me voir mi-juin. Du coup, bah pareil, enfin, genre, j'allais pas annuler moi mon avion alors que ça allait être super cher, que ça allait coûter quasiment moins cher de rester en Pologne pour ça que. Et puis lui faire annuler lui, le faire annuler tout son week-end qu'il a prévu depuis des mois et des mois. Du coup, C'était je suis Tommy? restée. De quoi? C'était Tommy? Non, c'était Elmex. Ah. Et après, finalement, je me suis arrangée. Genre, il y a Garance, ma meilleure pote, elle est venue me voir après lui. Et du coup, on est rentrés ensemble et tout ça. Enfin, et au final, à cette période-là, j'ai aussi une pote qui est venue juste avant. Donc, enfin, ça s'est bien enchaîné sur la fin. Mais du coup, à ce moment-là, du coup, en avril. Je voyais ce fin juin qui était tellement loin, quoi. Enfin, c'était. Ça me paraissait le bout du monde. Parce que du coup, quand t'es là-bas pour une longue période, tu sais, quand tu rentres, Et bah voilà quoi, t'es coincé là et il faut faire ce que tu peux avec ce temps-là, mais il Ouais. faut aussi le supporter ce temps-là Ouais. quoi. Du coup, t'as visité quoi? Enfin, t'as des trucs à recommander pour les Ouais. gens qui vont en Pologne? Ah carrément, j'ai plein de choses à... Enfin c'est trop bien. Franchement, si vous avez envie de visiter la Pologne, allez-y. Il y a plein de gens qui disent que Cracovie, c'est la plus belle ville de Pologne, Où on fait etc. cracac. Oh là là. Oh non, mais le niveau de blague de ce monsieur aujourd'hui, hein. Moi j'avais beaucoup entendu des gens qui me disaient oh tu vas à Varsovie c'est dommage Cracovie c'est mieux et tout parce que les gens ils vont que à Cracovie et en Il y fait a des cracottes. où il y a des cracottes oh là là on va jamais y arriver hein. Je vais arrêter de dire le nom de cette ville et du coup ouais en fait la différence Varsovie c'est beaucoup plus grand et en fait c'est une ville dans laquelle les quartiers ils sont plus délimités. T'as le vieux quartier qui est encore debout. Après, en fait, Varsovie, c'est une ville qui est super spéciale parce que elle a été détruite à 95% pendant la guerre. Et après, elle a été reconstruite. Donc, il y a ce qu'ils appellent la vieille ville. Ça a été reconstruit dans les 30 dernières années, à l'identique de comment c'était à l'origine. Ouh, ça a l'air pas bien ça. Mais bah, du coup, ça fait un peu Disney Village, genre, c'est vrai. Mais c'est aussi parce que l'histoire de base, c'est quand même que cette ville, elle a été rasée à blanc, quoi. Il n'y avait plus un seul bâtiment debout. Donc ils ont fait ce qu'ils peuvent et tout ça. Après voilà, donc c'est un endroit, par exemple la vieille ville, c'est un peu mignon. C'est très touristique du coup et ils en jouent beaucoup trop. Donc enfin, c'est pas vraiment les endroits que je préfère. Moi j'ai adoré le quartier dans lequel je vivais, qui était Praga. Et en fait c'est... Donc la Varsovie, elle est coupée par un cours d'eau qui s'appelle... Alors le nom, ça s'appelle la Vistule. J'ai La pas la ref. Vistule. Non rien, ça fait un peu fistule. Enfin, c'est pas grave. Ignorons. Du coup, la Vistule. Et donc, il y a d'un côté où il y a la vieille ville. Et aussi la nouvelle ville, qui est là où. Enfin, ça fait un peu la Défense, c'est là où t'as les grandes tours. Mais c'est là aussi où t'as tous les bars, toutes les boîtes, tous les trucs un peu hype et tout ça pour sortir. Et de l'autre côté, t'as un endroit qui est plus historique parce que c'est des zones qui n'ont pas été détruites. Et du coup, là, tu vas avoir plein de bâtiments un peu en briques. C'est des quartiers qui sont un peu à l'abandon. Genre, c'est pas très riche et tout ça. Moi j'adore en fait ce genre Ouais. d'ambiance. J'adore les vieux bâtiments en briques, un peu tout ça. Et genre, du coup, il y avait beaucoup de ça dans le quartier où j'habitais. Donc déjà, franchement, se balader dans les différents quartiers, faut être conscient qu'il y a ces différents quartiers-là à visiter. Et il y a le palais du coup de Varsovie qui est dans la vieille ville, qui a été pareil reconstruit. Sauf que ce palais, il a été reconstruit avec les dons des habitants. Parce qu'ils étaient tristes que un de leurs patrimoines n'existe plus, donc c'est les habitants qui avaient reconstruit le palais, qui avaient relancé la construction, parce que les autorités, enfin après ils ont eu enfin la Pologne c'est compliqué, ils ont eu beaucoup de soucis, ça fait que 30 ans qu'ils sont sortis du communisme et qu'ils sont indépendants et tout ça, enfin c'est super jeune quoi. Et du coup voilà, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait eux-mêmes, et même si ça paraît un peu trop tout neuf, ben c'est aussi parce qu'ils ont un lourd passé quoi. Donc après, à côté de Cracovie, c'est là où il y a les anciens camps de concentration. Ça aussi c'est dur, mais je pense que c'est dommage de passer en Pologne et de pas y aller. Parce que on a le devoir de se rappeler de ce qui s'est passé et de le voir en fait. Et il y a deux endroits. Il y a un endroit qui est là où il y a toutes les endroits un peu célèbres des camps de concentration qu'on a vu dans les films et tout. Et il y a, enfin, c'est un peu un musée en fait. Ils en ont fait un musée parce que c'est un beaucoup plus petit endroit. Et après, t'as un autre endroit où là, c'est là où il y avait le gros camp, où il y avait le gros de là où ils faisaient. Ça va être hyper chelou quand même Et quand en c'est fait, il n'y a là-bas. plus rien parce qu'ils ont tout détruit quand ils se sont rendus compte qu'ils perdaient la guerre. Mais du coup, il y a les panneaux, il y a des photos. Et c'est franchement dans cet endroit, t'es dans un champ quasiment, dans un champ vide quasiment. T'as quelques bâtiments qui sont encore debout, mais bah voilà, t'as les panneaux, t'as le plan et ils disent bah, ici il se passe ça, ici il se passe ça, ici il se passe ça. Et franchement, c'est à cet endroit-là où il y a le plus de trucs. C'est une longue balade, enfin, tu peux y rester des heures pour faire les deux. Mais, enfin, ouais, c'était assez dur. Il y a ma sœur qui m'a raconté sa visite. L'endroit où t'es allé, c'était Auschwitz ou c'était autre chose? D'accord. Juste, mais il y a plusieurs noms parce qu'il y a plusieurs camps. Il y Ouais. avait trois camps. Parce que ma sœur, elle a visité un de ces camps, tu vois, et elle m'a raconté que elle était en train de visiter un de ces fameux camps de concentration. Et je sais pas, et ça se ressentait, tu vois, dans les mots qu'elle utilisait, dans l'émotion, dans sa voix, qu'il y avait quelque chose de très très lourd et de très bizarre, Et non, c'était pas c'était pas à Auschwitz, c'était au Cambodge. Les fameux camps de concentration qui ont été au Cambodge et tout, de torture. Et elles m'ont juste montré une photo d'une des fameuses tortures en fait qu'ils avaient fait à Phnom Penh, où en fait c'était l'endroit où les gens dormaient. Et en fait, c'était un lit en pierre, penché à 30 degrés en fait, où en fait les gens étaient attachés au niveau des chevilles par des anneaux en fait qui étaient soudés au sol. Ce qui fait qu'en fait déjà ils étaient les jambes droites, pendues presque en arrière, où en fait ils pouvaient pas s'allonger complètement parce que s'ils s'allongeaient complètement, le sang leur remontait à la tête et ils mouraient. Ils étaient obligés de... C'est un mélange entre de la torture physique et de la torture cérébrale parce que tu peux pas dormir et c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est pas facile, les histoires qui restent dans notre monde. Hein. Je pense que... Enfin... Il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a des endroits précis dans le musée, notamment des camps de concentration, à Auschwitz, qui sont marquants parce qu'il y a des salles où ils ont gardé, par exemple, tous les objets qui ont été ramassés, genre toutes les chaussures qu'ils ont trouvées, etc. Donc déjà, de voir la quantité de choses, enfin genre, bon, c'est... Et encore, c'est un pourcentage infime du nombre de personnes qui est passé par là-bas. Moi, je pense que la salle qui m'a vraiment... Enfin, qui m'a vraiment... Enfin, où j'ai clairement fondu en larmes, c'était une salle qui était toute blanche. Et en fait, ils ont redessiné sur tout le long du mur les dessins qu'ils ont trouvés des enfants... que les enfants avaient fait sur place. Et en fait, les dessins étaient super durs. C'était des dessins d'enfants, mais où tu voyais des choses horribles. Et alors, enfin, ça, c'était... Enfin, c'est pas simple, quoi. Enfin, bref. Bon, voilà. Ça, c'était pour le passage... C'était pour la partie culturelle très importante de ce podcast. Ouais. Mais sinon, en Pologne, il y a aussi... Donc, il y a Cracovie et les camps de concentration, c'est très connu. Mais moi, franchement, il y a une ville qui m'a vraiment énormément plu et où j'ai juste envie d'y retourner en fait. Ça s'appelle alors en polonais ça se prononce Wrocław, je sais même pas comment on la prononce en français. Alors ça s'écrit W R O C L A W, donc W R O C A W. Okay. C'est L-A-W. Enfin, bref. En fait, c'est une orthographe un peu bizarre parce que c'est les lettres polonaises. Quoi, et genre le C, tu le prononces T, le L, c'est un L barré, donc c'est W. Bref, voilà, donc c'est Wrocław. Et du coup... J'ai l'impression de revivre mon voyage en Norvège il n'y a pas longtemps. C'est ça. Après, le polonais, c'est super simple. Franchement, une fois que tu connais l'alphabet, tu peux lire les mots. Parce qu'il n'y a jamais de règles. C'est pas comme en français, tu vois, que quand t'as deux lettres côte à côte, voilà. Si t'as une lettre, elle veut dire ces sons-là, et elle se prononcera toujours pareil. Donc tu vas reconnaître les arrêts. Enfin, il faut un peu d'habitude, tu vois, mais quand t'as le bus, il dit le prochain arrêt, c'est tel machin, tu peux retrouver. D'accord. Et du coup, donc cette ville, elle est très mignonne. Elle est au nord-ouest de la Pologne. Et c'est un peu. Je pense qu'ils appellent ça la Venise polonaise, enfin genre comme dans tous les pays à sa Venise, quoi. Genre c'est une ville où il y a de l'eau partout, il y a des ponts partout, et c'est très très joli, c'est assez petit. Et puis sur tous les ponts, il y a plein de cadenas, comme sur le pont des Arts à Paris, même s'il n'y en a plus. c'était très mignon, quoi. Et en fait, c'était des images que j'aurais jamais imaginé voir de Pologne, en fait. Parce qu'on n'a pas... On s'imagine pas ça quand on pense à la Pologne. On s'imagine le froid, on s'imagine la vodka, les gens qui font la gueule dans la rue. Enfin, il y a beaucoup de clichés polonais, il y en a qui ont vraiment un fond de vérité. Mais il y a aussi des endroits franchement magnifiques, et il y a tout un endroit que j'ai pas pu aller voir, mais qui s'appelle les Mille Lacs. Et enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de perles. Le nom, ça a l'air stylé. Ouais, il y a beaucoup de perles en fait là-bas qu'on connaît pas. Parce que déjà la Pologne... C'est pas un pays vers lequel on va spontanément, à part pour se bourrer la gueule ou pour, voilà, ou pour voir du coup les camps de concentration. Et en plus, une fois qu'on est en Pologne, bah, tu restes sur Varsovie ou Cracovie, parce que bah, quand t'es touriste, tu vas pour 3 jours, tu vas là où tu sais qu'il y a le plus de choses. Mais franchement, limite, je conseillerais de faire un week-end à Wrocław ou Poznan aussi, c'est une ville très LGBT. Ils ont une semaine de Pride à Poznan. C'est la classe. Alors que c'est pas un pays LGBT friendly. Bref. mais c'est d'autant plus une bonne raison de se battre encore plus. Ouais, on va ça. C'est clair. Oui. J'avais deux questions. Est-ce que... je sais plus si c'était toi qui m'avais parlé de ça. C'est vrai ce cliché sur les... Bon, c'est les Russes dans ce cas-là. Mais que c'est mal vu de sourire là-bas parce que t'as l'air con, en fait. Parce qu'ils considèrent que t'as l'air con si tu rigoles. Bah du coup, je peux pas... Ma mère, elle a écrit un article sur ça parce qu'elle travaille dans l'interculturel. Elle a écrit un article sur pourquoi les Russes sourient pas. Et il me semble que ouais, c'est ça. Non mais c'est vraiment vrai du coup. Ouais, bah c'est une histoire comme ça. Que du coup, c'est un signe de faiblesse. Et que c'est pas... En fait, en France, on sourit parce que c'est poli. Oui. Et parce que c'est rassurant. Ouais. Alors qu'en fait, pour eux, sourire, c'est genre, je sais pas, montrer de l'émotion et c'est de la faiblesse. Et du coup, c'est être un peu bené ou alors genre, enfin voilà, que c'est... Et après, ouais, les Polonais, ils sourient très peu aussi. Mais... Cette masculinité est très toxique. Ouais, c'est ça. Après, voilà, ça, c'est un des trucs culturels qui est très ancré. Et du coup, nous, on a l'impression que c'est de la froideur, quoi. Alors que pas du tout. Enfin, c'est juste que c'est tellement pas dans leurs habitudes que forcément... C'est tellement bouche. Et du coup, j'aimerais finir en lisant quelques malheurs de Céline. Ouais, ça marche. On a combien de temps? Ouh, on est bien. C'est vrai, on est bien. Il faut que j'en trouve un bien. Parce que tu sais, généralement, j'aime bien finir mes interviews par « Est-ce que tu as une histoire bien what the fuck à me raconter ?» Bah, du coup, t'en as des centaines d'écrits, déjà. Ouais. T'en as combien, du coup? J'en ai un peu plus de 30. Il y a pas mal. C'est déjà pas mal, hein. En fait, il y en a, ils sont drôles, mais genre, ils sont pas forcément... Une fois, j'ai fait... C'était « Ok, les mug cakes sans micro-ondes, sans sucre, sans lait et sans mug, c'est compliqué, mais j'ai quand même tenté. Ça a donné n'importe quoi. » C'est vrai, il était pas très catastrophique, mais... Ah oui, oh là là, ouais, ça... Bref. Alors... Tu me vendais déjà du... Typiquement, le genre de malheur que je raconte, qui m'arrive, c'est des... concentration de galère. C'est pas une galère. C'est 15 galères d'affilée qui font que, franchement, t'es au bout de ta vie. Du coup, un petit... Les malheurs de Célie typique. Écrit le 23 mai 2016. Alors, comment dire? Que ma batterie soit à plat, quand j'ai 3 covoitureurs blablacar pour aller en Suisse et qu'on parte avec une heure de retard, soit. Que j'oublie mon sac contenant mon ordinateur à Marseille. Bon. Que je me perde, que ma voiture galère et que mon trajet Lausanne-Belfort dure 5h au lieu de 2h30. Soupir. Arriver à Belfort après toute cette route pour capter que mes clés d'appartement sont avec mon ordinateur chez moi à Marseille. Alors du coup, après cette histoire, j'ai dormi 2 jours, j'ai squatté 2 jours chez des amis le temps que ma mère elle me renvoie mon sac en urgence. Voilà. Sachant que c'était la deuxième fois de ma vie que j'étais... coincée dehors de mon appartement pour 2 nuits consécutives. Un autre... c'est encore une histoire de voiture, ça. Alors, du coup, c'était en 2017. J'habitais à Clermont-Ferrand à l'époque. Ouais. Et j'en déménageais. Donc, après avoir quitté Clermont et déménagé mes affaires sans encombre, il fallait bien que ma malchance se rattrape. J'ai donc loupé mon train d'hier soir, un autre à 5h ce matin, pour monter de justesse dans un suivant. Mais seulement ça s'arrêtait là, car en plus de ne pas savoir précisément où je dors ce soir, je vais passer 2 jours à Paris sans carte bleue et évidemment sans une goutte de monnaie. C'est pas mal ça. Ouais, c'était pas trop mal. Tu veux que je t'en fasse un? De quoi? Bon, il m'est arrivé un très beau. Retour de Belfort, 3 heures de conduite, super paysage, super covoite. Arrivé proche de mon lieu de vie, je me motive à être éco-responsable et me dis « Ok, je laisse ma voiture sur le parking de mon travail et je rentre en skateboard électrique pour voir si le chemin est viable pour ensuite revenir en vélo le lendemain. Le trajet se passe très bien, le paysage est magnifique, j'arrive en face de mon appart, je me rends compte que j'ai oublié mes clés dans ma voiture. » Bon, c'est chiant ça. Je suis donc obligé de refaire le chemin inverse, c'est-à-dire 40 minutes de trajet en skateboard, avec mon skateboard électrique qui tombe en rade au milieu du chemin et la pluie qui commence. Oh non! Oh merde! Oh. Voilà. Ouais. On peut finir sur celui-là. Ah oh, oui. C'est un des plus mémorables, je pense. Ok. Cette nuit, quelqu'un a vomi sur ma voiture. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Ils avaient vomi sur la ventilation. Du coup, j'ai eu l'odeur de Non! vomi pendant tout l'été. Ah! Ah! Voilà, ne jamais laisser sa voiture à côté du bar où tu fais la fête. Ah, c'est dégueu. Ouais, moi c'était à l'UTBM. Ouais, ça à côté du Oh, foyer. Ouais. Quand je me suis rendu compte que quelqu'un avait vomi dessus, c'est parce que c'était en période de FIMU, donc de festival. Oh la vache. Donc moi j'avais fait la fête toute la nuit. Oui. Et le matin, je devais prendre ma voiture à 10h, un lendemain de soirée, pour faire une réunion de projet. Et je remarque que quelqu'un a vomi sur ma voiture. J'étais assez dans le décès là. Tu t'en es rendu compte? Ah bah tout de suite, c'était sur mon pare-brise. J'ai dû nettoyer parce que je voyais rien, sinon Oh c'était la vache! Ouais. Voilà. Oh, c'était magnifique. Bon bah du coup voilà, j'ai un donc ce le e-book en préparation. Voilà. Je te dirai quand. Merci électrique. Bah de rien. Merci à moi. Un grand merci à Célie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, PodCloud, les archives d'Internet et vos applis de podcast dédiées. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify et de me laisser un pouce bleu sur YouTube et de partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.